minute, en une fraction de seconde. Hier encore, j'étais au parc, du sable sous les ongles. Le temps passe à la vitesse grand V. À plus m'en souvenir ce que j'ai fait la semaine passée. Le sablier s'écoule, mais rien ne change. Je croise les mêmes regards, les mêmes cas sous gorge. Génération Tchernobyl, 23 piges. Joue plus au Playmobil, mais au Play sous le bide. Avenir se contre précaire, bas salaire. Statut d'intérimaire, la misère t'interpelle. Ma tête c'est un planisphère, puis gagne en centimètres. Puis l'envie de faire le tour du monde m'obsède. Pour le moment je travaille sur moi-même frère. En étudiant t'aimerais les chantiers de ma planète Terre. Pas le temps de regarder en arrière, je fais de l'avant. J'ai plus le temps mon passé, je balaye à coups de vent. Le temps passe mani loutu. T'attendras pas si tu restes assis. Sablier coulant continue. Ces grains de sable dont tu fais partie. Le temps passe mani loutu. Comme l'eau sur la pierre elle polie. Tout est éphémère frère tu le sais. Alors vis ta vie m'amène en restant. No frenes, aprovecha el tiempo que tienes. Es cosa del pasado lo que tienes grabado en las sienes. La propia vida te dirá de dónde vienes. Yo me veo jugando en la vía, desafiando a los trenes. Sin dudarlo volvería a esa época donde colegas que hoy no están no sabían que era la coca. El rap, la pelota y chicas con poca ropa. Hoy surco un mar de surcos negros con viento de popa. Topa adentro, decía antes de encontrar mi centro. Hoy conmigo estoy contento, ni cuentos ni lamentos. Miro al frente, al horizonte, donde el rap no se corrompe y la felicidad solo es un nuevo corte. Abortamos este granito de arena, pero no será un granito si ahora esta marcha se frena. Si la sangre me drenas, colega, verás mi rap correr. Fácilmente el tiempo no nos va a barrer. Hier c'est aujourd'hui et à l'heure où j'écris ces lignes c'est déjà demain. Clairement j'ai l'impression des fois que le temps passe trop vite. Oui c'est vite que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. On passe son temps à le perdre, t'as s'embouiller pour de la merde. On se regarde mal, on se parle mal, on se choue sale. Alors que le temps et le sang sont les mêmes pour tous, crois-moi. Et même avec le temps certaines blessures ne guérissent pas. Et même avec le temps certaines personnes pardonnent pas. Et même avec le temps on sait jamais demain ce qui se passera. Alors comment savoir si on a fait les bons choix. Listen avec le temps on sait qui on est et où on va. Listen avec le temps on colle plus n'importe quoi. La vie m'a défile aussi vite que mes idées filent. Alors faut aller de l'avant ma maître qu'on est là. Ok. Le temps passe mani loutu. T'attendras pas si tu restes assis. Sablier coulant continue. Ces grains de sable où tu fais partie. Le temps passe mani loutu. Comme l'eau sur la pierre elle polie. Tout est éphémère frère tu le sais. Alors vis ta vie m'amène en restant fait. Pasa un día más, es un día menos. Viaje sin retorno. El tiempo vuela, vuela.